Chapitre 5. Au poteau d'exécution. Les ayant cloués nus au poteau de couleur. Rimbaud, le bateau ivre. Bien que de petite taille et d'apparence chétive, ce qui lui avait valu son surnom, l'Aztèque des Gués n'était pas un gars à se laisser faire sans résistance. Le Braque et les deux autres l'apprirent bientôt à leurs dépens. En effet, pendant que le général tournait la tête pour exciter ses soldats à la poursuite, le prisonnier, tel un renard piégé, profite d'un instant de relâchement pour se venger d'avance du supplice qui l'attend. Saisit entre ses mâchoires le pouce de son porteur et le mordit à si belles dents que cela fit sang. Camus et Grangibus, eux, connurent, en recevant chacun un coup de soulier dans les côtes, ce qu'il en coûtait à desserrer si peu que ce soit l'étreinte de la patte qu'ils avaient à maintenir entre leurs bras et leurs flancs. Lorsque le Braque, d'un maître coup de poing en travers de la gueule de l'Aztèque, lui eut fait lâcher son pouce percé jusqu'à l'os, il lui jura de rechef à grand renfort de blasphème et d'imprécation que tout ça allait se payer et illico. Justement, l'armée revenait à eux sans autre captif. Oui, c'était l'Aztèque qui allait payer pour tous. Tintin, qui s'approcha pour le dévisager, reçut un crachat en pleine figure, mais il méprisa cette injure et ricana de la belle manière en reconnaissant le général ennemi. « Ah, c'est toi ? Ah ben mon salaud, t'y coupes pas, cochon ! Si la Marie était seulement là pour te tirer un peu les poils, ça lui ferait plaisir. Ah, tu baves, serpent, mais t'as beau baver. C'est pas ça qui te rendra tes boutons, ni doubleur à tes fesses. Trouve la cordelette, Tintin !» ordonna Camus. « On va le ficeler, ce saucisson-là. Attache-lui toutes les pattes. D'abord celle de derrière, celle de devant après. Pour finir, on le liera au gros chêne et on lui fera sa petite affaire. Et je te promets que tu mordras plus et que tu baveras plus non plus, saligot, dégoûtant, fumier !» Les guerriers qui arrivaient prirent part à l'opération. On commença par les pieds, mais comme l'autre ne cessait point de cracher sur tous ceux qui approchaient à portée de son jet de salive et qu'il essayait même de mordre, le Braque ordonna à Boulot de fouiller les poches de ce vilain cocola et de se servir de son mouchoir pour lui boucher sa sale gueule. Boulot obéit. Sous les postillons de l'Aztèque dont il se garait d'une main autant que possible, il tira de la poche du prisonnier un carré d'étoffe de couleur indécise qui avait dû être à carreaux rouges, à moins qu'il ne fût blanc du temps, pas très lointain peut-être, qu'il était propre. Mais ce tire-jus n'offrait plus maintenant aux yeux de l'observateur, par suite de contact avec des objets hétéroclites très divers et sans doute aussi des multiples usages auxquels il avait été voué, propreté, liens, bâillons, bandeaux, baluchons, coiffures, bandes de pansements, essuie-mains, porte-monnaie, casse-tête, brosse, plumeau, etc. Qu'une teinte pisseuse, verdâtre ou grisâtre, rien moins qu'attirante. « Ben, elle est propre, sa guenille !» fit Camus. « Elle est encore pleine de choses. T'as pas honte, dégoûtant, d'avoir une saleté pareille dans ta poche ? Et tu dis que t'es riche ? Quelle saloperie ! Un mendiant n'en voudrait point, on ne sait pas par quelle boule prendre. Ça ne fait rien !» décida le Braque. « Mettez-y en travers du meufion. S'il y a gratte-dents, il pourra le rebouffer, il n'y aura rien de perdu. » Et des poings énergiques nouèrent en arrière, à la nuque, le bâillon sur les mandibules de l'Aztèque des Gués, qui fut bientôt réduit à l'immobilité et au silence. « Tu m'as fait foyer l'autre jour, tu seras aujourd'hui fessé à coups de verge, toi aussi. »« Œil pour œil, dent pour dent !» proféra le moraliste la crique. « Allez, Grangibus, prends la verge et cingle. Une petite séance avant le déculottage pour le mettre en vibrance, ce beau petit monsieur qui fait tant le malin. Serrez-vous les autres, écartez le cercle !» Et Grangibus, consciencieusement, appliqua d'une baguette verte, flexible et lourde, six coups sifflant sur les fesses de l'autre, qui, sous son bâillon, étouffait de colère et de douleur. Quand ce fut fait, le Braque, après avoir pendant quelques instants conféré à voix basse avec Camus et Gambette, qui s'éloignèrent sans se faire remarquer, s'écria joyeusement. « Et maintenant, au bouton !»« Tintin, mon vieux, prépare tes poches, c'est le moment, c'est l'instant, et compte bien tout, et ne perds rien !» Le Braque y alla prudemment. Il convenait en effet de ne point détériorer par des mouvements trop brusques et des coups de couteau malhabiles les diverses pièces composant la rançon de l'Aztèque, pièces qui devaient grossir le trésor de guerre de l'armée de Longeverne. Il commença par les souliers. « Oh oh ! » fit-il, « un cordon neuf ! Il y a du bon ! Salaud ! » reprit-il bientôt. « Il est noué !» Et lentement, l'œil guettant les liens de ficelle qui garantissaient son museau d'un coup de pied vengeur, et qui eût été terrible, il défit l'embouellage, délassa le soulier et retira le cordon qu'il remit à Tintin. Puis il passa au deuxième et ce fut plus rapide. Ensuite il remonta la jambe du pantalon pour s'emparer des jarretières en élastique qui devaient tenir les bas. Ici, le Braque fut volé. L'Aztèque n'avait qu'une jarretière, l'autre bas étant maintenu par un méchant bout de tresse qu'il confisqua quand même non sans grommeler. « Voleur va, ça n'a même pas une paire de jarretières et ça fait le malin. Qu'est-ce qu'il fait donc de ces sous, ton père? Il les boit? Enfant de sous-l'eau, chien d'ivrogne! Ensuite, le braque veilla à ne pas oublier un bouton ni une boutonnière. Il eut une joie au pantalon. L'Aztèque avait des bretelles à double patte et en bon état. « Du lusque » fit-il. « 7 boutons de falzar! Ça, c'est bien, l'ami. T'auras un coup de baguette en plus pour te remercier. Ça t'apprendra à narguer le pauvre monde. Tu sais, on n'est pas chien non plus à Longeverne. Pas chien de rien, pas même de coup de trique. Ce qui va être content, le premier de nous qui sera chopé, d'avoir une si chouette paire de bretelles. Merde, j'ai quasiment d'envie que ça soit moi. » Pendant ce temps, le pantalon, désustenté de ses boutons, de sa boucle et de ses crochets, dégringolait sur les bas déjà en accordéon. Le tricot, le gilet, la blouse et la chemise furent à leur tour échenillés méthodiquement. On trouva même dans le gousset du mecton un sou neuf qui alla dans la comptabilité de Tintin, se caser au chapitre « Réserve en cas de malheur ». Et quand plusieurs inspections minutieuses eurent convaincu les guerriers de Longeverne qu'il n'y avait plus rien, mais rien de rien à gratter, qu'on eût mis de côté pour Gambette, qui n'en avait pas, le couteau de l'Aztèque, on se décida enfin, avec toute la prudence désirable, à délier les mains et les pieds de la victime. Il était temps. L'Aztèque écumait sous son bâillon, et tout vestige de pudeur éteint par la souffrance ou étouffé par la colère, sans songer à remonter son pantalon tombé qui laissait voir sous la chemise ses fesses rouges de la fessée, son premier soin fut d'arracher de sa bouche son malencontreux et terrible mouchoir. Ensuite, respirant précipitamment, il rassembla tout de même sur ses reins ses habits et se mit à hurler des injures à ses bourreaux. D'aucuns à s'apprêter à lui sauter dessus pour le foyer de nouveau, mais le braque, faisant le généreux et qui avait sans doute pour cela ses raisons, les arrêta en souriant. « Laissez-le gueuler, ce petit, si ça l'amuse !» fit-il de son air goguenard. « Il faut bien que les enfants s'amusent !» L'Aztèque partit, traînant les pieds et pleurant de rage. Naturellement, il songea à faire ce qu'avait fait le braque le samedi précédent. Il se laissa choir derrière le premier buisson venu et résolut à montrer aux Longevernes qu'il n'était pas plus couillon qu'eux, se dévêtit totalement, même de sa chemise, pour leur montrer son postérieur. Au camp de Longeverne, on y pensait. « Il va se foutre de nous encore, tu vas voir le braque, t'aurais dû le faire rerosser !»« Laissez, laissez !» fit le général, qui, comme Trochu, avait son plan. « Quand je te le disais, nom de Dieu !» cria Tintin. Et en effet, l'Aztèque, nu, se leva d'un seul bond de derrière son buisson, parut devant le front de bandière des Longevernes, leur montra ce qu'avait dit Tintin, et les traita de lâches, de brigands, de cochons pourris, de couilles molles. Puis voyant qu'il faisait mine de s'élancer, prit son élan vers la lisière et fila comme un lièvre. Il n'alla pas loin, le malheureux. D'un seul coup, à 4 pas devant lui, 2 silhouettes patibulaires et sinistres se dressèrent, lui barrèrent la voie de leurs poings projetés en avant, puis violemment se saisirent de sa personne et tout en le bourrant copieusement de coups de pied, le ramenèrent de force au gros buisson qu'il venait de quitter. Ce n'était point pour des prunes que le braque avait conféré avec Camus et Gambette. Il voyait clair de loin, comme il disait, et bien avant les autres, il avait pensé que son boc zizi lui jouerait le tour. Aussi l'avait-il bonassement laissé filer, malgré les objurgations des copains, pour mieux le repincer l'instant d'après. « Ah, tu veux nous montrer ton cul, mon ami ? Ah, très bien, faut pas contrarier les enfants. Nous allons le regarder, ton cul, mon petit, et toi, tu le sentiras. Rattachez-le à son chêne, ce jeune galustro, et toi, Grand Gibus, retrouve la verge, qu'on lui marque un peu le bas du dos. » Grand Gibus, généreux au possible, y alla de ses 12 coups, plus un de rabiot pour lui apprendre à venir les embêter le soir quand il rentrait. Ce sera aussi pour que ça soit plus tendre et que notre Turc ne se fasse pas mal aux dents quand il voudra mordre dans ta sale bidoche, affirma-t-il. Pendant ce temps, Camus rectifiait le baluchon confisqué aux prisonniers. Quand il eut les fesses bien rouges, on le délia de nouveau et le braque, cérémonieusement, lui remit son paquet en disant « Bon voyage, monsieur le cul rouge, et le bonsoir à vos poules !» Puis, revenant au ton naturel. « Ah, tu veux nous montrer ton cul, mon ami ? Eh ben, montre-le ton cul, montre-le tant que tu voudras. Tu le montreras plus qu'à ton soul, ton cul, va, mon ami. C'est moi, le braque, qui te le dis. » Et l'Aztèque, délivré, fila cette fois sans maudire et rejoignit son armée en déroute.